fantômes dans les banlieues dortoirs. Quand le jour s'est levé et que les réveils ont sonné, il n'y a plus âme qui vit et ça sent la mort à plein nez. Il n'y a que les chiens qui hurlent et les vieux qui attendent dans les cités fantômes. Dans les banlieues dortoirs, dans les cités fantômes, dans les banlieues bourgeois. Quand les sonneries d'usines retentissent à leurs oreilles, tu rentres chez eux silencieux, sans un sourire, sans un désir. Mais ils vont chercher les gosses dans la crèche de la cité, ils vont faire pisser les chiens et s'enferment à double tour dans les cités fantômes, dans les banlieues dortoirs, dans les cités fantômes, dans les banlieues bourgeois. Le soir on entend les rires par-dessus le son de la télé. On entend aussi gueuler des couples qui se déchirent. Et puis le calme revient lorsque les lumières s'éteignent. On n'entend plus que le cri d'un gosse qui rêve d'une autre vie. Dans les cités fantômes, dans les banlieues dortoirs, dans les cités fantômes, dans les banlieues bourgeois. La ruée dans les hyper supermarchés, ils achètent à tout de bras les produits des publicités. Le dimanche ils restent chez eux devant la fée télévision, mais jamais ils ne se plaignent, on dirait qu'ils sont heureux. Dans les cités fantômes, dans les banlieues dortoirs, dans les cités fantômes, dans les banlieues bourgeoises.